arrivé, c'est pour nous bander une fois. Ouais. Le vivant s'arrivé, c'est pour nous bander deux fois. Ouais. Le vivant s'arrivé, c'est pour nous bander trois fois. Ouais. Le vivant s'arrivé, c'est pour nous bander quatre fois. Allez, qui je quitte ma tour à glisser. Puis tombe sous le tour. Allez, qui je quitte ma tour à glisser. Puis tombe sous le tour. N'allez devant, tournez derrière. Maintenant, m'avancer. Pas en gavi la bouche du genou. Faut réfléchir à ma palais. Vérité, pas en gavi la folie. Bayo, bayo, bayo.